aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Aujourd'hui, je suis avec Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour Jade. Je suis aussi avec Eve. Bonjour Eve. Bonjour, bonsoir. Merci pour ça. Et je suis évidemment avec Victor. Bonjour Victor, comment ça va? Salut Jade, ça va très bien. Je suis en feu. J'espère que vous êtes tous en feu. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 aussi, parce qu'on va parler d'amour, de peinture, de vagues et de feu aujourd'hui. Et de courgettes. Peut-être. Et aujourd'hui, on va parler du portrait. Tain, tu vois là, tu m'as niqué mon intro. Merci Victor. Aujourd'hui, on va parler du portrait de la jeune fille en feu. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. De la jeune fille en feu. Alors, réalisé par Céline Sciamma, on a compris qu'il y avait du feu, tout ça. Scénarisé par Céline Sciamma aussi, avec Adèle Haenel, Enel, je sais pas comment on dit son nom, Noémie Merlant et Luana Bajrami et Valeria Golino aussi un petit peu, qui a remporté le prix du scénario à Cannes et qui est d'ailleurs le premier film de Céline Sciamma en compétition officielle à Cannes. Et Amaury n'est pas pro. qu'est-ce que ça raconte? Qui est-ce qui veut raconter le synopsis de ce film? Eve, comme tu es celle qui l'a vu le plus récemment. Bah oui, je l'ai vu il y a 2 jours, donc forcément. C'est beau et en même temps, c'est pas beau parce que ça veut dire que je fais mes devoirs très tardivement. Il faut pas faire ça, il faut réviser en avance. Alors, on suit une artiste peintre qui s'appelle Marianne, qui en fait va se rendre, va faire un petit périple dans l'eau, pour se rendre sur une île où sa mission, ça va être de se faire passer comme dame de compagnie d'une personne qui s'appelle Héloïse, afin de pouvoir l'observer et donc de peindre son portrait sans qu'elle le sache, pour du coup faire un portrait de mariage arrangé, bien entendu. Évidemment, et ça se passe en 1770. Oui, on est au 18e siècle, tout à fait. Voilà. Je te voyais partir en Bretagne. On aime la Bretagne ici, hein, sachez-le. Bon, rien contre la Bretagne. C'est tourné dans le Morbihan, d'ailleurs, à Saint-Pierre-Quiberon. Voilà, anecdote. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? C'était Victor, trop bien, voilà, c'est le film de l'année, mais directement... C'est notre palme d'or à nous. C'est notre palme d'or à nous. Il y a quelques mois, on a dit Parasite, c'était trop bien comme une palme d'or, mais en vrai, Céline Sciamma le méritait 10 fois plus. Palme d'or ex aequo. Mais que c'est beau, c'est romanesque, c'est un film français aussi romanesque, aussi brûlant de passion, d'amour. C'est... superbe, je vais éviter d'en dire trop parce que je vais laisser mes camarades... éviter de spoiler la vie de mes camarades qui ont un même consensus, qui ont fait un consensus. Je pense qu'on a tous un peu le même avis. Mais Voilà, je vais juste m'arrêter là pour le moment. C'était beau, c'était très très beau et c'est le plus beau film de l'année. C'est vrai, je suis Et d'accord. j'ai pas assez dit le mot beau, je crois. C'était quoi déjà? Bon, Tu l'as trouvé bon. comment le film? C'était beau. C'était beau. Et toi, Amaury, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi vraiment, Pour que ce enfin, soit beau. je tiens à signaler à tous ceux qui ont vu la bande-annonce et qui ont été découragés par le côté film en costume, Ce qui était mon cas à la film base. français, film plan fixe. Ouais. En Chiant. plus, sur les peintres, alors des films sur des peintres, on en a vu, pour la plupart, qu'est-ce que c'était nul. Ouais. Et là, au début du film, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ces dialogues beaucoup trop cordiaux pour être Ah, moi honnête? Qu'est-ce j'adore que la suite. c'est que ces costumes et tout? Sauf que très vite, le film m'a emballé, m'a passionné, parce que cette histoire de peintre qui se fait passer pour dame de compagnie, enfin, je trouve ça très poétique en fait, l'idée de réussir à peindre en cachette, et qu'est-ce qu'il faut faire quand on se cache pas? Ben, il faut observer, il y a tout un jeu de regard Ouais. et de séduction qui passe par les gestes, les chants contre chants entre ces femmes qui ont des Même yeux absolument le merveilleux. plan où il y a on voit Marianne du coup en de profil et il y a Héloïse à côté d'elle mais elle est Ouais. cachée par Marianne et quand Marianne se bouge on la voit qui la regarde ou qui la Oui, regarde pas et tout. Enfin, ben, elle est j'explique en très train mal de mais scruter en il est fait super ce plan. les moindres morceaux de son corps, de son visage, et Son oreille et ce tout, qui est ouais, très beau, c'est qu'on l'explication. a une voix off aussi, et qu'elle écrit sur un carnet précisément comment sont les mains. Alors, je sais pas si vous avez déjà dessiné ou peint ici, Des bonhommes bâtons pour moi. Bon, des bonhommes bâtons. Principalement, Oui. les mains, c'est un enfer à Les mains, c'est un dessiner. enfer, Et les pieds, c'est pire, mais bon, là, on mais les verra. le, Ah, des, le papy, dessin merci. et la peinture, c'est une approche très sensible du monde. En fait, c'est impressionniste. C'est pas de la photocopie des choses. Il faut vraiment prendre le temps d'observer et de matérialiser cérébralement, si j'ose dire, à quoi ressemble telle ou telle chose, telle ou telle partie du corps. Alors elle le dit, les mains sont comme ça, enfin c'est très beau comment elle s'exprime dans le film. Et évidemment, il y a l'amour qui passe à travers tout Bah ça. oui, Et c'est l'histoire c'est d'amour. absolument magnifique parce que c'est un film aussi qui raconte que quand on est peintre, et même au-delà, qu'on soit artiste, photographe, vidéaste, bah, cinéaste évidemment, puisque c'est Bah oui. Céline et bah on est immédiatement plus inspiré quand on représente quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'est magnifique dans le film. Et alors, non seulement ça me passionne de plus en plus, et la fin, elle m'a foutu par terre d'émotion, parce que La chiale. l'épilogue du film ose le romanesque, comme a dit Victor. Et là, moi, j'ai envie de dire Titanic, quoi. Enfin, moi, j'ai pensé à Titanic pendant la dernière partie du film, parce que leur histoire n'est pas si différente que celle de DiCaprio et Kate Winslet. Et d'ailleurs, il y a des références très assumées au film. Je suis sûr que si on interview Siama, Elle le elle le rendique de revendique. ouf D'où les que références à Titanic. Alors, j'ai vu Titanic il y a extrêmement longtemps. La scène du dessin. Oui, ouais, la Entre position autres, il y en a qu'elle a, d'autres oui, aussi. déjà Enfin, rien que mais ça. déjà, En même temps, c'est un film sur le dessin et la peinture, donc il va forcément y avoir une scène de dessin. Oui, Oui, mais mais c'est il y a aussi la aussi. façon dont Ouais. elle pose, tu vois, elle est allongée, justement, elle a vraiment les mêmes Ah poses oui, que ah quand, celle-là, oui, c'est Non, quand mais il c'est la aussi dans le dessine. thème. C'est un film sur la contrainte sociale. Oui, Les ouais. corsets qu'elle porte, enfin les corsets qu'on voit dans la direction artistique du film, c'est aussi le sujet en fait. C'est le sujet de ces femmes qui sont contraintes d'être mariées Ouais. à Milan avec un monsieur qui attend le portrait pour la valider ou pas. C'est la contrainte sociale parce qu'elle est une peintre et que c'est une bohème pauvre alors qu'elle, c'est la riche aristocrate et tout, de grande famille. Et il y a aussi la jeune actrice dont j'oublie le nom qui joue Qui là. s'appelle? Qui joue Sophie, Luana la Majorette, femme petite de chambre. Sophie aussi, voilà, elle, c'est aussi une autre classe sociale, et le film parle de ça merveilleusement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, Tu peux alors dire comme l'image, Victor. C'est bah, beau, c'est c'est beau. beau, mais oui, mais non, mais bêtement, l'image, j'ai pas encore parlé de l'image, Ah, mais c'est fou. souvent, voilà, je fais une petite parenthèse direction de la photographie, Allez. mais souvent à chaque fois qu'on fait des éloges au directeur de la photo, on dit waouh, ouais, c'est magnifique cette pellicule, on ne loue que le travail sur la pellicule, et bah là, bah, je suis heureux de pouvoir louer un travail numérique parce que c'est des caméras numériques et que le traitement en post-production de l'image et de la couleur, il est absolument sublime, c'est très subtil, très très beau dans ses choix de couleurs. Enfin, Siama, même dans ses films d'avant, elle a toujours eu des choix colorimétrique qui était vraiment très judicieux et lourd de sens et tout. Et là, c'est magnifié par le traitement numérique, la colorimétrie et tout. C'est vraiment du très très beau travail, comme on en voit souvent aussi dans le numérique, comme en pellicule. Mais même dans la mise en scène, il y a des plans, notamment, je pense au plan de quand elles sont sur la plage, on dirait des tableaux en fait. Ouais, c'est très très pictural, hein, justement. C'est fou. Et alors, je suis en train de chercher le nom de du directeur ou de la directrice de photo. Claire Maton. Oui. Claire Maton, voilà, bah, merci Victor. Photo, elle devrait s'appeler Photo aussi, vu son. Eh ben, voilà. Dédicace à mon pion de collège qui s'appelait Maton et à qui on faisait le pauvre plein de jeux de mots avec Photo Maton. Mais on pense très fort à ce pion d'ailleurs. Ouais, mais... On pense fort à lui. Mais. Ah, bah du coup, à côté de si blague on entendait l'avis de Eve maintenant. Oui, Eve, comme ça, Victor, bonjour. De parler. Victor, Victor, bah, alors, déjà, Maury a résumé pas mal de choses que je comptais dire, donc ça, c'est très bien, tout y est. Et du coup, je peux peut-être justement rajouter vis-à-vis du côté vraiment hyper pictural de l'image. Et, parce que tu es notre experte peinture du 18e. Oui, alors, bon, experte, on va dire, avec des guillemets, hein, parce que je ne fais pas de peinture moi-même, mais oui, c'est vrai que du coup, j'ai fait attention quand même à quelques détails, mais vraiment, enfin, donc toi tu parlais Jade des scènes avec les vagues qui vraiment rappelaient énormément des tableaux. Moi, il y a vraiment, c'est la dernière scène justement, c'est l'épilogue qui m'a encore plus frappée parce que vraiment tous les reflets sur les étoffes de la robe d'Héloïse et tout, c'est ça. Enfin, moi j'y voyais vraiment des coups de pinceau pour le coup, beaucoup plus que dans d'autres scènes, et je pense que ça a été encore plus retravaillé cette scène là pour rajouter de l'impact. Mais donc, c'est hyper beau. Là pour le coup Victor a choisi le mot, c'est beau en fait aussi bien visuellement que au niveau justement du scénario, hein. C'est pas pour rien que ce film a remporté un prix pour ça. Ça on en avait discuté un peu en off, mais chaque dialogue a son importance. Il y a pas de réplique qui sert à rien. Elles vont se dire un truc, genre par exemple elle va parler à la mère d'Héloïse, et pour la mère d'Héloïse ça voudra dire quelque chose, mais pour elle ça voudra dire encore autre chose par rapport à sa relation avec Héloïse, et c'est fou. Tout est bien pensé. Moi j'ai eu deux moments grosses chialades dont on parlera peut-être plus tard, mais un plutôt au milieu du film et un à la fin, hein, bien entendu, et c'est justement étrangement les deux seuls moments qui ont de la musique, qui m'ont donc donné grosse émotion, voilà. Mais sinon super film. Au début j'avais peur de sentir le temps passer parce que justement j'avais cet a priori du film en costume. Pareil. Et de me dire oh là là, 2 heures c'est long quand même, et en fait pas du tout. Enfin, passé un certain moment j'étais dedans et vraiment j'ai pas senti le temps passer du tout, donc c'était un super moment, et je regrette pas vraiment d'être allée le voir le jour de mon anniversaire. C'était le meilleur cadeau que tu puisses avoir. C'était un cadeau de moi à moi. Tu dis que... Mais oui, il n'y a pas de musique du tout dans le film, à part la fin, la musique de fin, qui est le Presto été de Vivaldi. Voilà. Et une musique en plein milieu du film qui était composée pour le film par Parawan et un autre gars dont j'ai oublié le nom, mais Parawan qui avait déjà fait la musique de Bande de filles et La naissance des pieuvres aussi. Donc j'ai oublié le nom de l'autre gars, c'est pas grave, désolé, Antoine quelque chose, il me semble qu'il s'appelait. Et donc bref, il y a une seule musique dans le film, et pendant tout le film, il y a zéro musique, mais il y a plein de sons et d'ambiance et de bruitage et tout. Il y a les vagues, il y a le vent, il y a le feu, évidemment. Le crépitement de la cheminée, ah là là, c'est bien. Au milieu du film, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de musique, enfin... C'est un truc que t'as tellement l'habitude d'avoir de la musique, même des musiques de fond, d'ambiance et tout dans les films. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais il n'y a pas de musique en fait. Mais ça me dérangeait pas. Je m'en suis pas du tout rendu compte, géré vis-à-vis des autres sons. Les vagues et tout. Et puis même le rythme. Enfin, d'habitude, quand il n'y a pas de musique, tu te rends compte que c'est lent, qu'il n'y a pas de rythme et tout. Mais là, c'est super bien géré. C'est grâce à la qualité de l'écriture. Il y a une teneur scénaristique dans le film que je trouve vraiment. Admirable, et qui fait que le prix qu'il a eu à Cannes du scénario est totalement mérité. Et Victor va dire oh, il aurait mérité la Palme d'Or, mais bon, prix du scénario, c'est déjà. Une ambiance frustrée dans cette pièce. Mais le scénario est magnifique, et tu parlais de la musique, par exemple, elle arrive à faire un nœud scénaristique incroyablement romanesque à partir de cette musique et à partir d'autres éléments, un bouquin par exemple. Page 28, hein. Je pleure. Les vrais staff. Et voilà, il y a des comment on appelle ça, des arcs narratifs qui se créent, qui s'emboîtent et qui sont qui fonctionnent quoi au premier degré. Enfin, vraiment, on tombe amoureux dans ce film et puis on se prend tous les retournements dans la gueule. Et c'est vraiment un bonheur d'écriture. Et ouais, pareil, y a plein de petits trucs. Il y a la musique, il y a un truc avec des fleurs et une broderie, il y a un truc avec le mythe d'Orphée, c'est ça? Oui, c'est Orphée Eurydice, que j'ai repéré dès le mot lire. J'ai entendu le mot de lettres, alors voilà. Non, c'est surtout que j'ai fait une prod là-dessus. Donc voilà, mais ça, c'est mon autopromo. À la fin, on la fera si tu veux. Non, mais oui, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent paraître insignifiants la première fois qu'ils sont évoqués, mais en fait tu te rends compte que tout se rejoint et tout a un sens. Et c'est comme je disais pour les répliques, tout a un sous-texte, un surtexte, un texte, enfin tout. Parfait, voilà, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Donc on t'a pas demandé ton avis, mais on en déduit que t'as trouvé ça beau. très beau. Victor, tu veux dire un truc? Mais alors oui, je vais râler parce que ça a eu le prix du scénario, parce que voilà, moi c'est un petit truc que je commence à en avoir marre. C'est le pavé. Attends, j'ai l'impression que t'as quelque chose dans la main et que tu vas le jeter dans une étendue d'eau. Exactement. C'est une brique? Non, c'est un pavé. C'est exactement ça, c'est que depuis 3-4 ans, il y a des femmes réalisatrices qui concourent à Cannes réalisent des films qui ont une mise en scène somptueuse, qui ont quelque chose à proposer à l'image. Et qui sont époustouflantes, et c'est je pense automatiquement à Aline Ramsey pour A Beautiful Day, ou l'année dernière c'était Alice Rohrwacher, là je prononce très mal le nom, mais Alice Rohrwacher. Ouais. Oh là là. Je vois qui. Non, mais ces réalisatrices là ont été récompensées, hein. Mais selon Victor, c'est pas assez. Le prix du Ramsey était bizarre parce que c'était surtout la mise en scène qui comptait dans son film, pas le scénario. Alors que là, pour le CMA, je veux pas dire que le scénario n'est pas important et qu'il n'était pas récompensable. Le scénario est important, d'accord. Et oui, il y a plein Crise de... dans le studio. Il y a plein de thématiques. Il faut pas dénigrer le scénario de ce film. Je dénigre pas le scénario, mais j'ai cette amère impression que... Ça fait Céline Sciamma, elle l'a même dit en interview, hein, d'ailleurs, que ça fait vraiment le prix de merci d'être passé, casse-toi. Après, oui, qu'au final, ça s'est mérité. Jamais assez. Vous avez pour oublié la sélection, palme d'or, la sélection spectaculaire qu'il y avait à Cannes cette année. C'était difficile de mettre tous les bons films dans les prix parce qu'il y avait plus de bons films que de prix. Oui, après, tu vois, il y a eu des années où on a donné des palmes d'or à des actrices, donc finalement, pourquoi pas aussi faire des compromis entre nous, Parasite, entre nous. C'est quand même assez extraordinaire comme palme d'or. Oui, non, mais sûr. Mais je suis d'accord dans le sens où il aurait mérité la Palme d'Or aussi, mais il mérite absolument à 1000% le prix du scénario. Oui, j'avoue qu'il... Ou même pour les actrices. Petite Palme d'Or, pour Adèle Haenel. Ensuite, il faut aussi rappeler que Cannes, c'est un jury international. Oui, voilà, et que c'est un film tout. Qui va surtout plaire aux Français. Portrait de la non. Parce que c'est un énorme bide. Ah ouais, mais ça, j'ai plusieurs explications. Il a déjà pris du scénario. Pour moi, contre la lesbophobie. Oui. Lance ton pavé dans l'eau, toi aussi. Chacun son pavé, vous avez tous votre pavé. Comme je disais, comme vous l'avez évoqué et que j'ai dit oui à chaque fois, moi aussi j'ai eu cet a priori de oh, les films en costume, ça me fait chier. Mais en même temps, j'avais ce côté de c'est Céline Sciamma, j'adore Céline Sciamma, j'adore Adèle Haenel, j'adore les histoires d'amour encore plus quand c'est des femmes, donc je vais aller le voir. Et forcément, j'ai aimé de tout mon cœur, quoi. Mais le truc de film en costume au 18e siècle, en général, j'aime pas, tu vois. Donc je comprends l'a priori qu'on peut avoir et qu'on peut se dire, oh, ça va être chiant. Je préfère aller voir Rambo 5. Ouais, mais je sais pas, il y a quand même une hype. Il y a quand même une hype qui ressurgit, je trouve, du film à costume. On a eu en France l'année dernière. La Favorite nous a donné tort en début d'année. Oui, voilà, bah, il y a eu La Favorite. Les deux films préférés de cette année, c'est en costume. Voilà. Qui suis-je? Il y a un an, en France, on a eu Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Moury qui avait bien marché. Et j'étais moi-même le premier surpris que ça marche autant. Et qui était aussi un très chouette film à costume avec Edouard Baird et Cécile de France. Et là, je suis sûr qu'aujourd'hui, au jour où on enregistre l'émission, les gens vont se ruer pour aller voir le film d'Anton Abbé. Donc voilà, moi aussi j'ai ce vomi. Alors j'ai rien contre les gens qui aiment bien Downton Abbey, mais je trouve ça nul, personnellement. Et je pense vraiment, moi, qu'il y a eu un. C'est aussi pour ça que je râle, parce que ça a eu le prix du scénario. C'est que le prix du scénario, c'est le prix qui intéresse personne, et j'estime que ça aurait mérité. J'estime que ça aurait C'est sympa pour les scénaristes, du coup. J'avoue. Non, mais c'est vrai, les films qui ont le prix du scénario, en général, ce sont les films qui bident le plus. Alice Rohrwacher, l'année dernière, elle a bidé de ouf avec son film. Ben Ramsey. Lazaro, ouais. Truc, machin. Ouais. Non, mais tous les films de Cannes bident. Non. C'est vrai. C'est un peu non, vrai. La plupart. Même la plupart ceux qui ont des grands peu. Prix et des prix du jury, ça bide. Alors, en France, en tout cas, la plupart bident un peu. Là. C'est genre, c'est quoi ce cinéma d'Antello? Rien à foutre. Allez, et là pour Selim Sama, il y a eu. Il y a eu une absence de promo assez indécente. J'avoue, ça, ouais, j'avoue. Elles sont juste passées à la radio sponsor qui était France Inter et, et France Culture. Elles ont eu une interview sur... Après, c'est des médias genre Committed et tout qui sont principalement regardés par les concernés. Donc, oui. Le grand public ne connaît pas. Mais par exemple, tu vois, une émission comme Quotidien ou C'est à vous, il n'y a eu aucune promo. Et je trouve ça vraiment dommage, moi, de ça me fend vraiment le cœur. Pareil, pour le coup, je sais que c'est que des films et qu'on devrait pas se... Non, mais j'avoue que là, pour Selim Sama, j'ai vraiment surtout ça. Sur celui-là, c'est un film assez important, je trouve, quand même, dans le propos et tout, tu vois, plus que un film lambda sur des gens, enfin sur la vie de gens, enfin je sais pas, genre plein d'autres films de peintres déjà. Plein d'autres films de peintres, genre le truc sur Van Gogh, les machins avec Vincent Ronin. Cassel, je sais pas quoi. Là. Ronin. Oui, ça. Non, Rodin. Rodin. Rodin, pas. Rodin c'est. Rodin, c'est... les sept Ronins. Ronin. Les Ronin. Ronin, c'est avec Robert De Niro, ça. Mais oui, donc j'avoue que là, pour le coup, même si je suis la première à dire, oh, ça va, c'est que des films, on s'en fout. Là, c'est quand même plus que juste un film, tu vois. Et que ça je veux dire. Pourrait marcher. Moi, honnêtement. Franchement, oui, ça peut le marcher. Film, tu le fais voir à des gens. Bah, vous avez tous été en mode film à costume, j'y vais un peu en traînant les pieds. Et vous avez tous kiffé. Et j'ai encore un meilleur argument. Vas-y. J'ai emmené quelqu'un qui regarde que des films des années 80-90 et que pour qui aller au cinéma, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je pensais qu'il allait s'endormir pendant le film. Je te fais une dédicace d'ailleurs. Il ne s'est pas endormi pendant le film et il m'a dit que c'était un très bon film. Que bon, ça manquait un peu d'explosion, mais ça. Bah, pour un film où il y a marqué bon feu. Film, donc, au final, vrai, j'avoue, il n'y a pas assez de feu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, au final, pour quelqu'un qui va pas du tout au cinéma, même pour voir les blockbusters, ça lui a plu. Donc finalement, c'est pas impossible. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, c'était le petit pavé. On a acheté des pavés dans la mare aujourd'hui. Ouais. La mare a reçu beaucoup mais de pavés. C'était un peu compliqué de monter tout ça d'ailleurs dans les escaliers. Ouais, c'est ça. On va changer de studio parce que celui-là. Non, mais oui, c'est incroyable, c'est exceptionnel ce film. Il est Arthur Simoni, c'est ça le nom du gars qui a fait la musique. On te fait des bisous. Des sorcières là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, sur ce alors. Parlons-en des sorcières peut-être, non? Ce moment-là, est-ce qu'on spoil un peu ou... on peut en parler sans trop. On chante la chanson là pour. Alors, je vais la mettre à la fin. Déjà, cette chanson, elle est fantastique parce que tu t'attends pas du tout à ce qu'elle arrive. Et tu t'attends pas du tout à ce qu'au départ, ça fait un peu. C'est très électronique comme sonorité. Mais même, c'est Parawan. Et c'est fou, ça monte comme ça et en fait, c'est hyper émouvant après. Il y a toutes les émotions dans cette chanson. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment donc. C'est un film. De toute façon. Véronique, c'est une blague qui est passée inaperçue. Pardon, Non, mais du coup, je disais que déjà, on l'a pas dit, mais c'est un peu évident, mais peut-être le rappeler que c'est quand même un film de femmes, hein, où il y a, deux, trois mecs de loin, vite fait, mais c'est tout. Hein, c'est vraiment que des femmes qu'on voit à l'avant de la scène. Ouais. La preuve, la direction de la photo, c'est une femme aussi. Peintre qui a fait les tableaux, c'est aussi une femme. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment un film de femmes et je pense que c'était hyper intelligent de montrer toutes ces femmes donc qui sont des guérisseuses en fait, hein, mais donc qu'on peut qualifier de sorcières et qui vraiment apportent aussi une dimension autre que peut-être le huis clos qu'on avait un peu avant. J'ai trouvé que cette scène, elle était hyper touchante de voir toutes ces femmes communier ensemble, chanter ensemble. c'était, ouais, c'était magnifique avec, comme je veux pas en dire trop pour pas trop spoiler, mais avec la Sophie là, la petite, Sophie, oui. L'ado, il y a une valeur ajoutée, enfin encore une autre vision d'une autre femme, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et oui, Victor. Non, excuse-moi, c'était Il avait une blague. Est-ce que je peux faire une dédicace aux yeux de Noémie Merlan quand même? Ah oui, je comprends. Dédicace à tes yeux, Noémie. Je comprends absolument pourquoi Siama l'a choisi elle, parce que elle a des yeux magnifiques. Elle a des yeux noirs, immenses, très ronds et tout, et sur un film qui parle du regard d'un artiste sur son modèle, bah, c'est parfait quoi. Et en plus, elle est avec Adèle Haenel qui sont aussi les deux autres meilleurs yeux du cinéma français quoi. C'est, elle a un regard qui vous tuerait quoi. C'est clair, mais Adèle Haenel, elle a un truc, enfin c'est un peu. Alors attention, elle est moins agressive dans ce film que d'habitude. Oui, mais elle a un truc qui est un peu du même acabit que ce qu'a, je trouve, Adèle Exarchopoulos, dans le sens où elles ont un charisme et une présence de ouf, alors qu'elles sont pas, entre guillemets, elles sont pas genre conventionnellement belles, dans le sens où elles sont pas ultra maquillées, avec un visage super fin et tout, elles ont un truc, une prestance et une présence. Elles sont brutes incroyables. Ouais, c'est ça, elles sont. Je les adore. Mais c'est ce que j'ai dit justement en sortant du film. J'ai dit, mais elles sont magnifiques toutes les deux à leur manière. Les yeux c'est de ça, Noémie Merlan, c'est fou. Et du coup, j'ai dit, mais Adèle Haenel, elle est superbe dans ce rôle-là. J'avais envie de lui faire beaucoup de bisous. Victor, depuis tout à l'heure, t'essaies de parler. Pardon, Victor. Non, ne vous excusez pas. Vraiment, on est là pour parler d'un si bon film. Mais moi, il y a un autre truc que j'ai trouvé vraiment qui s'alliait bien aux thématiques du film et les gars qui est plus de l'ordre de la personne qu'est Céline Sciamma, c'est que il y a tout le film en fait, tout ce que résulte au final le film parle d'un souvenir en fait, d'un souvenir qu'on enregistre, qu'on veut peindre et on le voit lors de la dernière partie, les derniers portraits que se dessinent Marianne pour Héloïse. Amaury arrive pour dire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que quand même chance que cette page il y ait pas de texte dessus quand même. Oui, parce c'est ce que j'ai pensé. Ah ouais, faire le livre. Moi, je me suis dit mais c'est pas possible. Elle a tourné les pages autour de cette page-là pour trouver une page blanche. Mais chance quand même. Fin de chapitre. Et il y a quelque chose de l'ordre du souvenir et des images en fait, des images qui sont qui peuvent être fictives, qui sont des reproductions et tout. Et moi, il y a un truc. Alors ça va être la partie cinéphile chiant qui va accumuler les référents tout ça. Mais tout le film, dans les images, est vraiment parsemé de références au cinéma, d'un cinéma que Céline Sciamma adore et qu'elle revendique. On a parlé. Tu parles de Titanic. On parle de Titanic. On parle bien évidemment de Titanic à plusieurs reprises. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la couverture du SoFilm où on voit Xavier Dolan en couverture, mais. Pour annoncer les articles, il est quand même marqué Céline Sciamma, entre guillemets, DiCaprio est une icône lesbienne. C'est vrai. Et y a Titanic, il y a Jane Campion, bien évidemment. Pense de ouf à la leçon de piano aussi. Ou même à Bright Star. Oui, que je n'ai pas vu. Faut voir parce que. Il n'y a pas Paddington dedans. Il n'y a pas Paddington dedans. Et moi, il y a surtout. Alors, je ne dévoilerai pas la séquence finale. Non, attends. Je suis persuadé, elle n'en a pas parlé, mais je suis persuadé que c'est ça. Mais c'est une séquence dans le film Birth de Jonathan Glazer, donc Under the Skin. Ouais. Avec Nicole Kidman. C'est une séquence où c'est Nicole Kidman qui va voir Wagner dans un opéra. C'est une des meilleures séquences de ciné que j'ai, de film que j'ai pu voir. Je suis persuadé que. Que Céline Sciamma s'en est inspirée. Et toutes ces références. Il y a aussi Carole, qu'elle revendique de ouf comme influence. Donc voilà, la scène du piano, tout ça. Le truc de l'époque, tout ça. Le film d'époque, tout ça. Et il y a un autre truc aussi. Je parlais de tous ces petits trucs avec Orphée, machin, avec la broderie, avec la musique et avec les répliques qui ont un double sens. Mais en fait, il y a un thème de la dualité qui est ultra présent et il y a tout qui tout est en double en fait, forcément les deux personnes, la broderie avec la fleur qu'elle brode, qui son état change en fonction de l'état de la broderie qui change aussi, et les robes tout simplement. Elle a une robe verte et l'autre elle a une robe rouge, et ça c'est un truc, enfin si vous êtes un peu dans l'image, même dans juste vous peignez, c'est des opposés, le rouge et le vert, et c'est juste c'est super simple de faire, c'est un truc ultra simple et basique, mais ça visuellement ça marque de ouf leur différence en fait, tout simplement. Ça fait très alors ça c'est, je repense au cours de l'île 3. Oui bah ouais, c'est très juste. Il y a un cours de on a eu une analyse de Vertigo d'Hitchcock, oui, et qui est uniquement basé sur le vert et le rouge, et en fait, ou le rouge et le vert, je sais pas dans quel ordre. C'est personnel, mais j'adore, je trouve ça trop beau, le rouge et le vert et tout ce que ça signifie et tout, et voilà. Par contre, j'aimais vraiment pas cette robe verte. Elle est trop belle. Je préférais sa robe bleue, justement, avec les petites broderies délicates dessus. Par contre, la tenue de Marianne à la fin, oui, quand fantastique. Dans le salon, super. Là, avec, et on a, je sais pas si on en a parlé, mais il y a aussi un thème qui est aussi la revendication de Céline Sciamma pour ce film. Et j'y repense parce que tu parles de la fin. Mais il y a une invisibilisation. Le film parle des femmes peintres en fait. Mm-hmm. Et comme quoi elles n'ont pas le droit de peindre des modèles hommes, parce que Eve me l'a expliqué hier. En gros, dans les salons où ils exposaient les œuvres et tout, enfin les tableaux, tout était compartimenté. Voilà. Si tu veux, le plus grand, le plus visité et tout, c'était là où il y avait les peintures d'hommes en fait. Les peintures d'histoire, donc de mythologie, de religion, qui sont souvent des commandes par des très grands mécènes. Mmh. Et donc du coup, ça c'est, déjà, même parmi les hommes, n'importe qui pouvait pas s'atteler à ce genre de peinture, parce que c'était vraiment des compositions hyper strictes. Et comme c'est les peintures les plus en vogue, les femme peintre ne pouvait pas peindre justement ça. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, parce que ça elle le dit, elle dit toute la grande peinture, on peut pas la peindre, mais c'est aussi, je pense, tout simplement parce qu'une femme ne peut pas observer un homme nu comme ça en fait. C'est juste une question de on va pas leur donner les mêmes opportunités. Voilà, mais la question c'est est-ce que vous avez déjà peint des hommes nus? Et elle dit on n'a pas le droit, on le fait avec des amis, un peu sous le manteau comme ça. Mais je pense que c'est aussi parce que finalement les modèles nus hommes, c'est pas très, à l'époque c'était pas très chaste, tu vois, de laisser une femme peindre un homme nu. Je pense qu'il y a aussi ça. Mais c'est vraiment leur empêcher d'accéder à cette peinture très noble qui était la peinture d'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait du portrait, en fait. Hein, c'est parce que c'est un peu plus. C'est un peu moins coté, quoique c'est déjà très très bien, la peinture de portrait, par rapport à d'autres peintures comme les scènes de genre, quoi. Même quand elle fait. On voit son portrait, son dessin. Son tableau qui représente Orphée et Eurydice, et qu'on pense que c'est son daron qui l'a fait. Mm-hmm. Ah oui, et le mec qui dit votre père, voilà, encore en fait, forme, je sais pas quoi, elle a dit non, c'est moi, mon gars. Ouais. Et pourtant, il y a eu, on a eu quelques femmes peintres qui ont fait de la peinture d'histoire. Il y a Artemisia Gentileschi qui a peint notamment la scène de Judith et Holoferne. Donc cette histoire, c'est l'histoire donc de Judith qui va pour empêcher la violence que Holoferne fait sur son peuple. En fait, elle va lui trancher la tête. Et beaucoup de gens montrent la tête déjà tranchée. Elle a peint Judith en train de trancher la tête d'Holoferne. Donc en plus, c'est très violent. Elle s'est fait plaisir. Voilà. Mais donc tu disais que Céline Sciamma, elle parlait de ça parce que en même temps ça la concerne un peu vu que c'est une femme, mais aussi elle fait un film sur des lesbiennes parce que elle aussi est lesbienne. Mais du coup, c'est qui Céline Sciamma? Eh ben on va vous le dire tout de suite. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. C'est une réalisatrice et scénariste de formation à la FEMIS. À la FEMIS, où elle avait écrit le scénario de La naissance des pieuvres pour son projet de fin d'études, qu'elle a pu du coup réaliser en 2006, qui a été salué par la critique et qui a été présenté à Un certain regard au Festival de Cannes en 2007. Donc, pour un premier film, franchement, BG, tu vois, c'est un peu classe. Il y a quand même Jeanne Moreau. Le film avait été nommé pour meilleur premier film, mais n'avait rien eu. Et c'était l'année où Jeanne Moreau avait eu un César d'honneur. Et en fait, elle l'a remis. Jeanne Moreau a reçu son prix. elle a remis à toute l'équipe de Naissance des pieuvres en disant que vous êtes la nouvelle génération. Ah, mais oui. Donc, c'est beau. C'est beau. Mmh. Et, mais le film, il a quand même été récompensé du prix Louis de Luc du premier long métrage. Donc, franchement. Pas dégueu. Ouais, j'avoue. Mmh. Elle a été nommée pour le César du meilleur premier film en 2008, qu'elle n'a pas eu. Son deuxième film, c'est Tomboy, qu'elle écrit et réalise encore une fois. Mais peut-être qu'avant, vous avez... est-ce que vous avez tous vu La Naissance des pieuvres ici? Oui. Ouais. En un mot. Votre avis, Eve? Natation synchronisée. Ça fait deux mots, t'as perdu. On peut pas enlever l'espace. Mais c'est un concept. C'est... Bah oui, parce oui, que bon, ça passe. Si je dis natation, Camori, c'est que j'ai pas compris le film, aide. Tu vois. Ah bon, oui. Je ne l'ai pas vu. Plusieurs mots aussi. Victor. Plusieurs mots. Déçu parce que ça parle pas de pieuvre. Oh non, c'était très bien. Non, oui, c'est exceptionnel. Un c'est le premier film de Céline Sciamma que j'ai vu. Je l'ai vu genre quand j'étais en troisième. C'était une révolution dans ma vie. Ça fait quand même vachement plus qu'un mot là. Une phrase. donc après, en 2010, elle écrit et réalise Tomboy. Qui a vu Tomboy? Moi non. Moi, c'est génial, il y a très longtemps. C'est vraiment un film passionnant sur la construction d'une identité d'un enfant. Oui. Et pour rappeler le pitch, en fait, qui est vraiment génial. Enfin, c'est une merveille de. Même, au final, le titre, c'est le pitch du film. Au de final. Childhood. Comment, childhood movie, on va dire. Enfin, un film Coming of Age movie. Coming of Age, ouais, passage bah, à l'âge. Ouais, voilà, en fait, c'est juste le temps d'un été. Il y a une petite fille, en fait, qui, au hasard d'un malentendu, décide de se faire passer pour un garçon dans son nouveau quartier, le temps des vacances, en attendant la rentrée. Et on voit toutes les conséquences que ça entraîne et toutes les amitiés et toutes les ambiguïtés que ça entraîne. Et c'est vraiment hyper intéressant, super bien mis en scène et super bien joué. Enfin, il n'y a que des gosses dans ce film et ils sont super bien dirigés. C'est, quoi. C'est vraiment impressionnant, ce film. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps sur Arte. On voit comment c'est. <vrais. rire> Voilà. Bon, pareil. Et ça m'avait marqué, mais vraiment de ouf, mais sans même vraiment me souvenir exactement du début, de la fin, tout ça, mais j'ai un souvenir de la scène du maillot de bain, par exemple. Oui, ouais, avec la pâte à modeler. Ça, je m'en souviens. D'ailleurs, maillot de bain, Naissance des pieuvres, dans Naissance des pieuvres, il y a Adèle Haenel. Oui. C'est tout, rôle principal. C'est ce jonglage de mots, ce télescopage, c'est beau. Association d'idées, oui. Victor, Tomboy, quelques mots. Comme toi, je l'ai vu il y a très longtemps sur Arte, hein, donc Cimer Arte, Cimer la télé allemande. Mais oui, Amaury l'a tout dit. Enfin, il n'y a pas de mot plus parfait pour décrire ce film. C'est beau. Donc, c'est beau. Je pense que c'est le mot le maître mot de cette émission. Ouais, c'est donc, ça. Ouais, c'est très naturaliste. Enfin, comment incroyable. Passer, voilà, comment passer à côté de tel mot. Après, en 2014, va sortir Bande de filles, Girlhood, dans sa version internationale, que Victor a pas l'air d'aimer vu ses soupirs incroyables. Je suis moins fan que ces moi autres aussi, films. Mais il est quand même trop bien, je trouve. Moi, j'avais vu quand j'y suis allé, j'avais trouvé ça affreusement long. J'avoue qu'il est un peu long. Et j'avais un peu l'impression de voir. Alors c'est pas pour clairement parce que je pense pas que c'est une Sciamma soit de genre, mais j'avais vraiment l'impression de voir le film français typique sur la banlieue qui me gavait. Mmh. On le filmait à travers la, je sais, alors je vais dire cette expression très mal, je sens, mais qu'on le voit à travers le mauvais bout de la lorgnette, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Genre c'est pas si mais ça, d'un côté c'est un film sur la banlieue qui parle de meufs en banlieue et ça c'est beaucoup plus rare, je trouve. Oui, bah de ce point de vue là il y a des trucs très intéressants, enfin ouais, c'est un point de vue, enfin moi la scène, le film pareil comme Victor, je le trouve assez en dessous des autres Céline Sciamma parce qu'elle décide de faire un truc plus proche de la tranche de vie, de la tranche sociale, donc avec un scénario moins élaboré, sophistiqué que ce qu'elle a l'habitude de faire, sauf que c'est pas l'esquive, hein. Elle arrive moins à retranscrire une coulée de cinéma vérité comme le font pas mal de ses camarades français. Mais ouais, voilà, d'un point de vue représentation, c'est hyper intéressant. Il y a une scène de sexe pendant le film qui est incroyable, où c'est le garçon qui cambre et la fille qui le regarde et qui caresse sa fesse. Et ça, ça c'est le plus beau plan du film. À savoir qu'Amaury l'a vu dans un avion. Donc je l'ai vu dans l'avion, pas plus. Dédicace à tes voisins de. Voilà. Et aussi c'est le film préféré du rappeur Kukra et ça c'est hyper drôle. et qui l'a inspiré pour un de ses clips. Et là, merci à Axel c'est Villas cool. qui nous écoute pour cette magnifique anecdote. Bah, super. Merci bah, Axel. Dédicace. Eve, est-ce que tu l'as vu? Non, moi je l'ai pas vu. Et ben, très bien. Voilà, désolé voilà. pour ça, tombe à plat. Maintenant, pour ceux qui l'ont vu, on a tous Diamonds en tête. Oui, voilà, c'est la scène la plus connue qui est sur la chaîne de Arte, qui est partout. Vraiment, c'était genre la scène du moment, d'ailleurs, avec une actrice de Scam France dedans. Donc voilà, je vous recommande Scam France, une fois n'est pas coutume dans cette émission. Parallèlement à sa carrière de réalisatrice, elle écrit aussi, parce qu'elle écrit aussi ses films, et du coup, en 2016, exactement, elle a écrit le film d'animation Ma vie de courgette. Qui l'a vu? Victor? Moi. Pas moi. Victor? Oui. Un mot sur Ma vie de courgette. Un seul. Un enfin, seul. Je suis intransigeante. Pâte. Sérieux. Si tu dis courgette, c'est... tu sors. Légumes. Poignant. Ouais. Quoi? C'est... J'ai perdu la pyramide, c'est ça? C'est très... Personne va la voir. Bah si, enfin, on n'est pas... Si vous êtes né après 2000, vous ne l'aurez pas. Oui, voilà. ouais, Ma vie de courgette, donc ça raconte l'histoire de pas plein de gamins plein de gamins dans un orphelinat, en gros, et toutes les raisons de pourquoi ils sont... Bref, les trucs de familiaux et tout. Et le scénario écrit par Céline Sciamma, je trouve que, personnellement, c'est le truc qui sauve le film, parce que sinon je trouve l'animation, mais c'est personnel hein, ouais. chum, mais moche comme tout, et pas ouf, mais le scénario est trop bien, et ouais. ça fait peut-être vieille réac nul qui est en mode l'animation c'est pas des vrais films, mais j'aurais peut-être plus aimé si ça avait été en live réalisé par Céline Sciamma, du coup. Franchement, je me suis posé la question quand j'avais vu le film. Mais je trouvais que dans l'animation, justement, alors il y a ce côté, ces personnages, ils sont, oui, ils sont très atypiques. Dans mais du leur, coup, ouais, ça sert le truc. Mais ça sert le truc parce que ce sont des personnages qui, justement, sont complètement brisés. Mm. Et je pense, alors je suis pas sûr de cette technique-là, par contre, je confonds peut-être avec un autre film en stop motion, mais tu vois les traces, en fait. Sur la pâte à modeler. Sur la pâte à modeler. Ouais, ouais. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très fort parce que. Voilà, c'est le scénario complète cette idée d'animation. C'est vraiment des personnages d'enfants qui ont une vie complètement horrible. Ravagée, qui sont et qui l'expriment avec une innocence qui, toi spectateur, crève le cœur. Alors moi, pour l'anecdote, parce qu'il faut vraiment que je décrive comment était ma séance pour ce film. J'avais vu en avant-première dans le cadre de la semaine de la comédie à l'UGC. Déjà, d'où c'est une comédie. Moyen la comédie. Ils sont dit c'est animé. Et marrant. C'était dans le cadre d'une séance familiale. Putain. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il y avait plein d'enfants de 2-3 ans dans la salle. Ah oui, 2-3 ans. Ils ont fait une princesse Mononoke. Très franchement, quand tu es à 3 ans et que tu es face à une scène où tu as un gamin qui présente à courgette les autres enfants du centre et que tu entends. Ben elle est bizarre parce que elle a des tocs depuis que son père est rentré dans sa chambre la nuit. Aïe aïe aïe aïe. Et aïe. Quand tu vois. Mais en même temps d'un côté, il faut montrer des trucs comme ça aux enfants. Mais 2-3 ans c'est chaud. Et t'es là, oui, mais je sens quand tu dis, moi déjà en tant que j'avais 20 ans quand j'ai fini, genre oh là là, mais c'est horrible. C'est dur, mais pour les enfants. Mais pour les enfants, mais ça doit être un truc. Bah surtout que c'est pas vraiment familial, quoi. Ouais. C'est pas vraiment en mode ouais, on va regarder Les Indestructibles. On va voir un dessin animé. Pas fun. Moyen fun. Et alors que le film, le scénario, moi ce que je trouve, je vais être très bref, mais le scénario, il est très intelligent pour montrer cette réalité, mais pour aussi montrer que ces enfants, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent avoir des moments de joie. Enfin, moi, je repense à la scène où ils sont en boîte, en colo, au ski. Ouais. Et ah, ça, c'est tellement beau, c'est tellement. Mais j'avoue, je suis d'accord avec toi sur l'animation, la pâte à modeler et tout ça. Mais c'est juste que personnellement, je trouve ça moche en fait. Et du coup, j'ai eu du mal. Bah, j'ai vraiment eu du mal. J'étais en tout le long. Mais c'est un film très très poignant, comme tu dis. Mais du coup, je sais pas si vous avez remarqué, phrase de 2012, un podcast. Voilà, je suis Norman. Peut-être pas. Mais il y a des thèmes communs à toute la filmographie de Céline Sciamma, même quand elle réalise pas. Non, même quand elle réalise pas, c'est l'identité, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et je disais que Céline Sciamma, elle est lesbienne, je l'ai pas dit juste pour le dire, c'est parce que c'est un truc qui est essentiel pour elle en tant que personne, et du coup qui se ressent forcément dans ses films, parce que quand tu fais des films t'extériorises ce que t'as dans toi et tout, on l'a déjà dit 1000 fois dans cette émission, mais du coup c'est des thèmes qui sont récurrents, qui sont importants dans sa filmographie, notamment dans Le Portrait de la jeune fille en feu dont on a parlé en long, en large, en travers, et du coup qui moi personnellement m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Céline Sciamma. Mais du coup, est-ce que vous, ça vous touche une sans faire bouger l'autre, ou est-ce que ça vous intéresse bah, oui. cette expression ou est-ce que indépendamment de ces thèmes qui sont dans tous ces films ou presque, vous aimez ces films quand même, pour le visuel ou pour la mise en scène, ou en plus les thèmes vous intéressent? Toi, Victor, qui a fait tout un pamphlet engagé sur le prix du scénario, est-ce que du coup l'histoire et le fond, le propos de ces films t'intéressent autant que la forme? Bah, totalement, et je pense que c'est pas parce que tu n'es... Enfin, c'est pas... Je pense que pour un spectateur, c'est pas parce qu'il est pas forcément concerné qu'il a les mêmes traits que la réalisatrice ou le réalisateur. Je pense que ça peut être très universel, oui, en fait. Oui, et oui. Par exemple, Portrait de la jeune fille en feu, je trouve que c'est quelque chose qui va toucher évidemment beaucoup plus la communauté LGBT et tout. Mais c'est une histoire d'amour qui, je pense, est universelle. Bah oui, c'est tout le monde. C'est universel. Et je pense que pour toute histoire, et voilà, c'est des boss, enfin c'est une boss, Céline Sciamma, pour réaliser ces films, enfin c'est pour ça justement que je chouinais sur le box office et le prix du cinéma, parce que je suis persuadé que s'il avait eu un meilleur prix, non, un plus grand prix dans la hiérarchie. Oh, il y a le regard noir d'Amaury qui ponctue cet enregistrement, pardon. Un plus grand prix que celui du scénario, il aurait eu une meilleure visibilité, je pense. Peut-être, ouais. Et mais aurait du coup, gagné est-ce que... à toucher tout le monde. Alors ça, c'est un peu théorie du complot, lobby LGBT. Bonjour. Mais est-ce que tu penses qu'il aurait pas eu une meilleure promo si ça avait été un mec et une meuf dans l'histoire d'amour? Ou si ça avait été réalisé par un mec, comme Carole, comme Mademoiselle de Park Chan-wook, tu vois, par exemple? Ben, ouais. Je pense que si. Pense oui, que oui. Le film, s'il y avait ça, hein, clairement. Enfin, oui, non, mais oui, mais est-ce qu'il aurait pas eu une meilleure promo, justement? Après, on va pas faire des pamphlets. Non, moi, je pense pas. Déjà, il faut pas écraser le film sous le non, logo LGBT. Non, c'est des LGBT, questions que je pose, Amaury, arrête de faire, on peut plus rien dire. Plus largement, oui, voilà, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'art aussi. Ça parle aussi de la création, du processus d'un artiste et tout. Je pense pas que si ça. Enfin, je pense que ça aurait été encore pire en fait. Si ça avait été un couple hétérosexuel, ça aurait été chiant. D'une banalité quoi. C'est enfin, ça, ouais. Ça aurait été Billy Lee Rostep, voilà. C'est ça, alors, je pense pas que le fait que ce soit un film sur une relation lesbienne, ça tue le succès du film. Enfin, c'est le. J'espère c'est pas. Pas, moi. Non, non, j'adorerais pas que tout le monde pense comme toi, vraiment. Je pense que ouais. C'est plus en cas. Oui. De la promo dans les médias. Oui, c'est ça, c'est la promo. Qui... Mais du coup, je raccroche les wagons parce que tu m'as fait une transition toute faite, Victor. Oui, au final, c'est des thèmes, l'identité, l'amour, tout ça, c'est des thèmes universels, et que ce soit deux meufs, deux mecs, un mec et une meuf, ou n'importe qui, plusieurs personnes, enfin, on s'en fout, tu vois, c'est l'amour, c'est beau, comme tu disais, Victor, voilà. L'amour. Eve, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Parce que je t'ai pas laissé t'exprimer sur ce sujet. Bah, c'était très beau. Voilà. Ah. Non, sur le sujet de la promo? Oui, mais en général, sur Cinéma, ces thèmes, c'est... Comme bah toi, non, je sais que t'as vu La naissance des pieuvres. Et son premier et son dernier, en fait. Ouais, et je les ai vus à vraiment un jour d'intervalle. J'étais immergée. Oui, bah alors, bah, du coup, oui, je suis d'accord avec toi que bah, l'identité, c'est hyper intéressant, parce que vraiment, il y a une grosse écriture des personnages. Hein. C'est pas juste vite fait parler d'interaction entre deux personnages, mais c'est aussi nous faire comprendre tel personnage et pourquoi l'interaction finit comme ça. Mmh, et c'est vraiment, voilà, c'est chaque personnage individuellement qui est écrit. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est ce qui donne plus de réalité et qui nous permet de nous attacher aussi plus vite, quoi. Je suis d'accord avec toi, il y a Victor mort de rire, je sais pas ce qu'il a vu. J'ai vraiment l'impression que ce que je dis c'est hilarant, mais. Non, mais c'est pas toi, c'est très vrai. J'ai fait un truc qui m'a beaucoup fait. Voilà, Victor bon. Est pas pro, il check son téléphone. Ils sont pas pro, hein. Alors, Céline Sciamma. Non, oui, l'identité, l'amour aussi, hein, qui est très présent, en tout cas dans Naissance des pieuvres aussi, même si c'est pas par le même prisme, mais qui est quand même assez essentiel aussi. Et toujours de la recherche de ouf aussi dans le contexte, parce que Naissance des pieuvres, donc on parle de natation synchronisée, et Portrait de la jeune fille en feu, là on est sur quelque chose d'historique, mais avec vraiment la peinture en toile de fond et de la musique aussi. Beau. Et oui, alors c'est pas fait exprès, mais du coup vraiment quand même des super recherches pour amener aussi plus de réalisme dans la réalisation. Ouais. Amaury, tu voulais dire un truc ? Oui, non, enfin, tu parlais, quel est le noyau de la filmographie de Céline Sciamma, etc. Mais moi, je trouve qu'elle est très, très forte pour... On peut s'arrêter là, voilà. Oui, non, mais Céline, on t'aime. Très, très douée. Mais elle raconte, en tout cas dans les films que j'ai vus, l'intégration d'un personnage dans un milieu qui lui est étranger. Ouais. Enfin, c'est Tomboy et Bande de filles, c'est un personnage qui arrive dans un nouveau quartier et elle arrive très bien à dessiner ça en fait. Le quartier, tout simplement, elle filme la ville, elle filme l'environnement et elle filme comment le personnage va réussir à s'intégrer, quel compromis il va devoir faire et tout. Et alors, dans Portrait de la jeune fille en faux, mais quel voyage dangereux, parce qu'elle, elle arrive en Bretagne carrément, et ça pour s'intégrer en Bretagne, enfin, quand tu viens de Paris et tout. Ouais, bisous les Bretons. C'est dur. Bon, c'est un et rêve, moi j'aimerais être très libre de quitter l'île pour vivre en Bretagne. Et bah, va tourner dans le prochain film de Céline. Et aussi, j'aimerais bien qu'elle ait plus d'argent aussi dans son prochain film, parce que ses films sont quand même monstrueusement fauchés. Elle arrive à en faire un truc de fou, mais et encore, je pense qu'elle peut faire des trucs. Elle a été très contente d'avoir fait ce film-là, Portrait de la cheville en feu, qui est son film le plus cher de sa filmo. Mais ça reste quand même un budget très modeste par rapport à la production actuelle en France. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on la mette beaucoup plus en avant parmi les réalisateurs et les réalisatrices françaises. Mais elle aussi, ça fait partie. Enfin, elle aimerait bien avoir beaucoup d'argent et je pense qu'avec il y en a plein qui pourraient avoir plus de visibilité. Claire mais Denis. Si on a vraiment une qui vraiment, enfin la meuf, son premier elle film le mérite, était à Cannes, elle le mérite ouais. Tellement bah, Claire Denis aussi elle le mérite tellement, mais ouais, elle fait des films avec Robert Pattinson quand même. Claire non oui enfin, Claire vois, Denis elle va, a fait ses preuves hein, je pense que ça va. Et oui, donc Céline Sciamma, très forte, on t'aime et tes films sont très beau, très beau. Moi, je voulais juste lâcher une dédicace parce qu'on a dédicacé ce cher Axel pour sa référence avec le CRA, mais moi, je vais faire une dédicace à Charlotte. Je voulais lire évidemment en page 28, je pense à toi, mon prochain tatouage. Voilà. Est-ce que, évidemment, quelle question, vous recommandez ce film ? Bah, bien sûr, 100%. Oh, je sais pas. T'as pas trouvé ça très beau ? Non, assez moche. Assez moche. Non, c'est beau, c'est beau. Et toi, Maurice ? Oui, allez-y et ne vous laissez pas impressionner par tous les a priori, la bande-annonce, c'est vraiment autre chose. Oui, puis finalement, le film à costume, au-delà. C'est un prétexte, hein, vraiment. Et c'est puis pas... en plus, comme c'est un film à costume, elles ont des pures tenues trop belles. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, la mode. En plus, il n'y a pas 15 000 tenues, ça va hyper, ouais, ça va vraiment à l'essentiel et c'est suffisant, vraiment, c'est très très bien comme ça. Voilà. Ben, et toi, tu recommandes ? Bah évidemment. Parce que tu nous fois. Poses la question, c'est mais mon personne film te la pose. Numéro 1 de 2019, c'est instantanément un de mes films. Donc préférés. Tu es ma number one baby, on peut dire. je n'expliquerai pas cette rêve, ceux qui l'ont savent. Voilà. Toujours là pour les rêves. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Jade. Merci pour ce magnifique film. De Céline Sciamma, j'ai ouvert une porte. Oh là là. allez voir Portrait de la jeune fille en feu. S'il est encore au cinéma, je pense que oui. Tu fais très bien le bruit de la porte. Hein. C'est mon imitation la plus réussie. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook quand je me décide à poster. Nous mettre 5 étoiles. Bah oui, partout. On est sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast. Qui existe, pourquoi pas, tiens je vais faire un skyblog et ce sera... qui le trouvera. Eve, ton actu. Non, mais c'était une vanne en plus, j'en ai pas d'actu moi. Dommage, vous pouvez nous trouver. Si vous nous trouvez sur Twitter et sur Instagram, vous saurez notre actu. On se dit bientôt pour le rattrapage de septembre et au mois prochain pour une prochaine émission. Au revoir. Salut. Au revoir. Oh.